temps pour faire une fille qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. J'ai plus d'inspiration, plus d'état, car ma muse a expiré. Et ma plus belle menace de rendre l'âme, j'ai vidé mon encrier. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir vivre bien, mais la routine me tue d'un point de vue humain. Les émotions manquent à mon quotidien, je deviens robotisé, je perds la main. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, pas plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, pas plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Je veux être amoureuse une seconde fois, quand ferai-je enfin ta connaissance? Je veux me sentir vivre à travers toi là, me sentir mourir en ton absence. Faire m'inonder de ta tendresse, faire ressortir la poétesse qui sommeille en moi depuis trop longtemps. Oui, rends-moi ma fragilité d'avant. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, a plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, a plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Fais-moi pleurer de joie et de peine, qu'importe le sens, faut que tu m'emmènes loin. L'amour je ne veux pas trop parfait, je ne veux pas tout à fait. Je vise l'inconnu, je préfère qu'il y ait tout à faire. Je rêve à une vie de poème, passionné avec son tas de problèmes, qui mèneront tout ça des solutions. Je veux de l'action, de l'affection, les leçons nécessaires à mon évolution. Mon instinct originel, il faut de tout pour faire un monde, a plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, a plus le beau temps pour faire une vie qu'elle soit colorée par l'arc-en-ciel. Je veux pas perdre l'essentiel, mon instinct originel. Il faut de tout pour faire un monde, a plus le beau temps pour faire une